الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 3 dans l'explication du sharh du livre Usul Sunnah de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab expliqué par le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à l'explication du hadith numéro 3 dans le livre. Et ce hadith-là, il est intitulé, ou bien le titre du sujet de ce hadith, c'est « Ma ja'a fi anna lillahi yaminan ».« Ma ja'a fi anna lillahi yaminan ». Donc, on est toujours dans le sujet de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, ça implique aussi l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs et dans ses noms. Et le fait qu'on doit affirmer les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé lui-même et que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé dans les hadiths qui sont authentiques à ce sujet-là. Et donc ici il mentionne un point qui est important parmi les points de la aqidah et du tawhid par rapport aux attributs d'Allah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains et que il a une main droite aussi. Et ça, c'est prouvé par des hadiths authentiques. Et là, il en a mentionné un à ce sujet ici. Il dit وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا يَمِينُ اللَّهِ تَعَالَى مَلْأَ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. Donc ici le cheikh il a cité donc ce hadith là, et c'est un hadith qui est très important et dans lequel il y a beaucoup de bien. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que sa main droite est remplie, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa main droite est remplie. Et le fait de donner la subsistance aux créatures et de donner un nafaqa, de dépenser pour ces créatures, eh bien ça ne fait rien diminuer, hein? Ça ne fait rien diminuer de ce qu'il possède. Il donne jour et nuit. Il dit, avez-vous vu ce que votre Seigneur a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Eh bien, il n'y a rien. Hein, il n'y a rien qui a diminué de ce qui est dans sa main droite. Et la justice est dans son autre main. Il élève et il rabaisse. Hein, il lève et il baisse. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on va expliquer maintenant ici le hadith en question. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit هذا الحديث فيه وصف لله جل وعلا بأن له يدين وهو سبحانه أثبت هذا في القرآن الكريم فقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي لآدم عليه السلام خلقه الله بيديه ففيه إثبات اليدين لله وأن له يمينا. Donc ici le cheikh il dit ce hadith là contient la ou yani il y a dans ce hadith la description d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, et c'est ce qui a été affirmé dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 75 dans Sourate Sad, lorsqu'il cite les propos de Iblis, hein, ou bien lorsqu'il s'adresse à Iblis, il dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains, en parlant de Adam alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de ses deux mains. Il y a donc ici l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains et qu'il a une main droite. Il a une main droite et il dit wa fihi وصف الله تعالى بالجود والكرم، وأنه هو الذي ينفق على عباده، فيده سحاء الليل والنهار، يعني والسح يعني الصب الدائم، أي يعني دائمة بالعطاء والجود والكرم. Donc il dit le cheikh ici que il y a également dans ce hadith la description d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant la générosité, hein, la noblesse et la générosité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dépense pour ses serviteurs. Et c'est lui qui donne à ses serviteurs et à ses créatures. Sa main donne, hein, laisse descendre les... C'est de sa main que descendent les subsistances des créatures jour et nuit, hein, ou nuit et jour. Et quand il dit ici sahau, yani as-sah, c'est-à-dire as-sabbu ad-da'im, c'est-à-dire pour dire que la subsistance et les biens qui coulent de sa main droite sans arrêt, de façon permanente. Et donc, c'est pour mentionner que la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est permanente et elle est sans arrêt. Ensuite, il dit le cheikh, « Wa qawluhu ara'ayta ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal-ard, fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, ay la tanqusu khaza'inuhu subhanahu wa ta'ala bil-infaq, li'annahu al-ghaniyu, qala subhanahu, ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون فجميع الأرزاق التي للآدميين وللبهائم وللحشرات والطيور والوحوش كلها من رزق الله وإنفاقه على مخلوقاته وعلى كثرة هذا الإنفاق لا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق فإنه وإن كانت عنده ثروة هائلة فإنه إذا ما أنفق منها فإنها تنقص حتى تنفد قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Donc ici le cheikh explique que le cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith, avez-vous vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en voulant dire, avez-vous vu combien il a dépensé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, combien il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Eh bien, il dit, cela n'a rien fait diminuer de ce qui est dans sa main droite. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire que ses trésors ne sont pas diminués en quoi que ce soit par la dépense et par le fait qu'il donne. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Il est al-ghani et sa richesse est parfaite et complète, hein? Elle ne diminue jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate al-munafiqun walillahi khaza'inu as-samawati wal-ard walakin al-munafiqina la yafqahun, c'est-à-dire, hein, parce que ça c'est la suite du verset, le verset qui est mentionné avant celui-là, ça dit yani yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. C'est-à-dire les munafiqin ou les kuffar, ils disent yani ne dépensez pas, hein, ne donnez pas d'argent à ceux qui sont avec le messager d'Allah, c'est-à-dire ne donnez pas d'argent aux sahaba, parce que comme ça si vous leur donnez pas, eh bien ils vont s'éloigner, ils vont s'en aller, ils vont quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant, mais c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Sauf que les munafiqins, les hypocrites, ne comprennent pas. Hein? Ils n'ont pas compris que la subsistance et la richesse et tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui donne. Hein? Et donc, il explique ensuite le Cheikh Al-Fawzan que toutes les subsistances et tout le bien qui est donné pour les êtres humains, de même que pour les animaux, même les insectes et même les oiseaux et les bêtes sauvages, toute leur subsistance, sans exception, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui dépense, hein, sur ses créatures. Malgré la quantité, hein, que cela signifie ou que cela implique. La quantité de subsistance, la quantité de biens, la quantité de nourriture, la quantité de choses qu'ils doivent recevoir pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir continuer de vivre et de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne à chaque créature ce qu'il a besoin. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça prouve que le fait de donner tout ça, ça ne fait jamais diminuer quoi que ce soit de ce qu'il possède, contrairement aux créatures qui, elles, même si elles sont riches et qu'elles possèdent une richesse immense, eh bien, tôt ou tard, cette richesse, elle diminue, hein, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement dans le verset 96 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie ce qui est avec eux, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, se dissipe. Hein, tôt ou tard, ça se termine. Tandis que ce qui, auprès d'Allah, est permanent, c'est-à-dire ça reste et ça demeure. D'accord? Ça, c'est un exemple ici. Et par rapport à ce point-là, Yanni, juste une petite réflexion qui me vient par rapport à ce sens-là. Et c'est quelque chose, Yanni, au sujet duquel j'ai réfléchi plusieurs fois par rapport à Yanni, l'énergie, par exemple. Hein? Quand on regarde les créatures, ils sont toujours en quête de nouvelles sources d'énergie et ils cherchent toujours à trouver de l'énergie. Et on a besoin de l'énergie. Pourquoi? Parce que sans énergie, on peut rien faire. Hein? On peut rien faire. Et les gens ont toujours essayé de chercher une énergie qui serait continue. Hein? C'est-à-dire un mouvement qui serait continu, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait fonctionner par lui-même et qu'on n'ait plus besoin de hein, rajouter une force ou une énergie quelconque pour que ça puisse continuer. Hein? Et ça n'existe pas dans ce monde. Subhanallah, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on a toujours besoin de rajouter quelque chose pour que un mouvement puisse continuer. Hein? Et donc, c'est pour ça que on voit que la créature, elle est toujours dans un besoin éternel. Elle a toujours besoin. C'est comme si, par exemple, si tu as faim, hein, tu as besoin de combler ta faim, il faut manger. Donc, tu vas manger un repas, tu vas manger un très bon repas et un gros repas, hein, et là, tu vas peut-être même avoir ton ventre qui est complètement rempli. Peut-être même que tu es tellement rempli qu'à un moment donné, ton ventre, il te fait mal. Hein? Ou même que parfois, tu as tellement trop mangé que ton estomac est rempli au point que tu as de la difficulté à bouger ou à respirer. D'accord? Et malgré ça, yani, quelques heures plus tard, tu vas avoir encore faim. Subhanallah. Ça veut dire que peu importe quelle quantité de nourriture tu manges, hein? Et le nombre de fois que tu manges, tôt ou tard, il va falloir que tu recommences encore à manger. Tu peux pas dire, je vais manger une fois, puis ça va me suffire pour une semaine ou pour un mois. Non. Il faut que tu manges à chaque jour, même des fois plusieurs fois par jour. Par exemple, la même chose pour le fait de boire. Tu dis, là, j'ai soif. Hein? Eh bien, tu vas boire un verre d'eau. Eh bien, tôt ou tard, il va falloir que tu reboives encore parce que tu vas avoir encore soif dans quelques heures. Eh bien, c'est la même chose, comme c'est tout le temps comme ça. Tu vas dire, ben, par exemple, je vais aller au magasin, je vais acheter de la nourriture parce que mon réfrigérateur ou mon placard, il est vide. Alors, tu achètes tout ce que tu as de besoin et même plus encore. Et tu remplis ton réfrigérateur, tu remplis ton garde-manger et tu dis là, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Hein? J'ai plus besoin d'acheter de nourriture. Mais tôt ou tard, cette nourriture-là, tu vas voir que jour après jour, elle commence à diminuer, diminuer, diminuer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, t'en as plus. Et là, tu es obligé de retourner faire des courses encore, retourner acheter de la nourriture encore une fois. Et c'est toujours comme ça, l'être humain. Il n'y a pas une fois où tu vas dire, bon, ça y est, là j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus besoin de rien et je vais rester comme ça sans avoir besoin de rien du tout pour toujours. C'est pas possible. Ta voiture, tu vas faire le plein, tu mets de l'essence dans la voiture. Eh bien, tu dis, bon, là, ça y est, là j'ai de l'essence. Dans quelques temps, il va falloir que tu refasses le plein encore. Il va falloir que tu remettes encore de l'essence dans ta voiture. Pourquoi? Parce que l'énergie, ça se dépense. Et une fois qu'elle est dépensée, eh bien, elle continue pas par elle-même toute seule. Il faut, la faire refonctionner encore une fois. D'accord? Et donc, c'est comme ça avec les moteurs, c'est comme ça avec les machines, c'est comme ça avec les appareils, c'est comme ça avec le corps humain, c'est comme ça avec tout ce qui bouge. Il faut qu'il y ait toujours une force qui l'aide à continuer pour pouvoir faire son mouvement. Donc tout ça montre que l'être humain, il est toujours dans le besoin. Et il a toujours besoin de quelque chose. Et Yanni, quand on réfléchit à ça, on dit, ben, subhanallah, hein, c'est pour montrer en fait à quel point la créature, elle est faible. Et le seul qui n'a pas besoin de quelque chose autre que lui-même, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui donne à toute chose la force. C'est lui qui donne à toute chose son énergie. C'est lui qui donne à toute chose ce dont il a besoin. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne cette possibilité-là. Même le soleil, les gens disent, ah, l'énergie soleil, l'énergie solaire, c'est une source d'énergie, hein, inépuisable ou je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est qui est-ce qui a donné au soleil cette énergie-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein? L'énergie que tu dises, les éoliennes qui tournent avec le vent, ou les centrales électriques qui fonctionnent avec le courant de l'eau. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que il y ait ce courant-là et qu'il y ait cette énergie-là. Sans ça, il n'y en a plus. Hein? Ça ne fonctionne pas sans la force d'Allah. Donc, tout ça, c'est pour dire, Yanni, l'être humain, il ne peut pas se passer d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il fait. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est riche et il donne de sa subsistance aux créatures sans calculer. Et il donne jour et nuit, et peu importe la quantité des richesses et des biens qu'il peut donner à ses créatures, il n'y a rien de cela qui diminue quoi que ce soit de son trésor et de ce qu'il possède. Hein? Et comme dans le hadith, yani du dans le hadith du hadith Qudsi, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, et tous les djinns, du premier jusqu'au dernier, ils se mettaient ensemble, et que chacun d'entre eux demandait à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut, et qu'il donnait à chacun d'entre eux ce qu'il a demandé, eh bien, il dit, ça n'aurait même pas diminué rien de son trésor. Hein? Et il dit, même pas la quantité de la goutte d'eau qui sort sur une aiguille lorsqu'on la trempe dans l'océan. C'est-à-dire la quantité d'eau qui sort de l'océan lorsqu'on trempe dans l'océan une aiguille. La petite goutte d'eau qui sort au bout de cette aiguille-là, hein, c'est même pas comparable à la quantité, yani, de tout ce que les créatures ont demandé comme subsistance, ou qu'est-ce qu'ils recevraient comme subsistance depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Yani, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont reçu comme subsistance, eh bien, c'est comparable même à cette petite goutte d'eau au bout d'une aiguille qu'on tremperait dans l'océan par rapport à l'océan. Ça veut dire que c'est infiniment petit, c'est rien comparé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala possède. Donc c'est pour montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, hein, et il se suffit à lui-même. Ensuite, le cheikh, il dit, wa fi hadha al hadith اثبات اليد لله ووصفها باليمين وجاء أيضا وصف الأخرى بالشمال وكلتا يديه تعالى يمين فهي شمال يعني ليست كشمال المخلوقين بل هي شمال وهي يمين أيضا يعني واحدة من يديه سبحانه وتعالى فيها الإنفاق على العباد والأخرى فيها القسط وقوله يمينه ملأ أي يده سبحانه وتعالى ملأ بالرزق والخير لا تغيضها نفقة أي لا ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى بما ينفق على عباده Donc il dit le cheikh que ce hadith-là affirme que Allah subhanahu wa ta'ala yani a une main et Allah subhanahu wa ta'ala a une main, donc ça c'est affirmé dans ce hadith et il l'a décrit comme étant également comme étant une main droite. Il dit qu'il a deux mains et yani, il dit que parmi ces donc une de ces deux mains c'est la droite. Et il a également décrit dans un autre hadith comme l'autre comme étant la gauche. Et il dit que ses deux mains sont droites. Ses deux mains sont droites. Donc, yani, c'est une gauche qui n'est pas comparable aux mains gauches des créatures. Hein? Donc, il dit c'est une gauche, c'est une main gauche, et elle est droite en même temps. Subhanallah. Et il dit, Wahidatun, une de ses deux mains, il y a dans cette main-là, ce qu'il dépense pour ses serviteurs, et dans l'autre, il y a la justice. Dans l'autre, il y a la justice. Et il dit, Wa qawluhu yaminuhu mal'a. Ey yaduhu subhanahu mal'a birrisq. Donc, sa main droite est remplie, est pleine. Hein? Et il dit, c'est-à-dire qu'elle est pleine de subsistance et de biens. Et il dit, elle n'est pas diminuée par ce qu'il dépense. Hein? C'est-à-dire que sa main droite, elle n'est pas diminuée par quoi que ce soit de ce qu'il donne à ses serviteurs comme subsistance. وقوله سحاء الليل والنهار يعني سحاء أي كثيرة العطاء الذي لا حد له فعطاؤه مستمر ليلا ونهارا فلا يعطي في وقت يمنع في وقت آخر. فلا يعطي في وقت ويمنع في وقت آخر يعني فلا يعطي في وقت ويمنع في وقت آخر كالمخلوقين فعطاؤه دائم في جميع اللحظات والساعات. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il donne constamment et saha yani al-layla wa al-nahar, c'est-à-dire il donne nuit et jour, c'est-à-dire qu'il donne sans limite et qu'il donne de façon permanente et continuelle de nuit et jour, c'est-à-dire que c'est tout le temps, sans arrêt, à chaque moment et à chaque instant et à chaque heure. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de pause, il n'y a pas hein, c'est continuel. Il dit contrairement aux créatures qui, elles, donnent seulement pendant certains temps et ils arrêtent pendant certains temps. Hein? Par exemple, même ici, dans les exemples de ce que les créatures font quand ils donnent, par exemple, ou quand ils ont un magasin où ils vendent des choses, ce n'est pas ouvert 24 heures sur 24, excepté peut-être certains commerces ici, là. On trouve des commerces qui vendent 24 heures sur 24, mais ça ne peut pas être comparable, hein, à l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dépense ou qu'est-ce qu'il donne, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sans calculer et sans compter. Surtout que maintenant, surtout avec le confinement et avec tout ce qu'il y a eu comme épidémie et tout ça, dans certains magasins maintenant, si on allait par exemple acheter certaines choses, on voit que par exemple certaines rangées des magasins et des supermarchés étaient complètement vides. Subhanallah. Hein? Tu rentres dans un magasin et les gens, ils n'avaient jamais vu ça avant. Hein? Les gens pensent que les magasins sont remplis automatiquement à chaque fois et que c'est pas possible qu'il y ait des magasins où il n'y a pas de nourriture dedans. Parce que les gens, ils pensent que les supermarchés et les magasins, ils créent eux-mêmes leur propre nourriture. Hein? Ils pensent que c'est comme ça apparaît comme ça sur les étagères directement. Subhanallah, ils oublient que tout ça vient d'Allah. Hein? Et à l'époque, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand il y avait les conflits entre la Russie et les États-Unis, et ils montraient toujours des images des pays de l'ex-URSS où il y avait par exemple le communisme et des gens qui faisaient la file pour aller acheter dans un magasin parce que il n'y avait presque pas de nourriture ou il n'y avait presque pas de marchandises dans les magasins. Et les gens se mettaient en ligne et ils donnaient à chacun un rouleau de papier de toilette ou bien ils donnaient à chacun, par exemple, telle quantité de nourriture parce qu'il n'y avait rien à manger. Et quand tu rentres ici dans les supermarchés ou les magasins en Amérique ou en Occident, disons, les magasins sont tellement remplis. C'est pas, par exemple, tu vas trouver dans certaines rangées, tu vois, un seul produit, il y en a comme 15 différentes marques, hein, du même produit. Et 15 différentes couleurs, et différentes grosseurs, et différentes formes, et différentes. Hein. Donc là, il se vantait de ce genre de situation, hein, en disant, regardez, nous, on est riches, on est des pays riches, et on a tout ce qu'il faut. Et on voit maintenant que, Yann, à un certain moment donné, les gens commencent à paniquer, et ils commencent à vouloir tout acheter en réserve. Et finalement, quand tu rentres dans un magasin, tu vois qu'il n'y a plus rien. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Subhanallah. C'est comme si on dirait que les gens pensaient que ça allait être la fin du monde, hein, et que tout allait être terminé, qu'on allait tous, yani, plus avoir rien à acheter dans les magasins. Et je me rappelle comme, par exemple, dans un article que j'avais vu dernièrement, il montrait par exemple la photo des gros bunkers. Je ne sais pas comment on dit les bunkers en français. C'est les endroits qui sont en dessous de la terre ou une montagne où, lorsqu'il y aurait par exemple des attaques nucléaires ou des grandes catastrophes ou des choses comme ça, où on ferait entrer là-bas par exemple tous les responsables du gouvernement et les présidents et tout, en dessous de la terre, et des portes blindées, des portes qui pèsent je ne sais pas combien de milliers de tonnes, hein, pour les fermer à l'intérieur pour justement être capable de survivre à des catastrophes nucléaires ou bien je ne sais pas quelle autre catastrophe. Et tout ça, c'est pour dire, yani, subhanallah, les êtres humains, comment ils sont, hein, et pour montrer qu'ils pensent que ces bunkers vont les protéger de la mort ou vont les protéger de ce que Allah a prédestiné. Or, ils ont oublié que, yani, la mort, elle va les rattraper, peu importe où ils sont. Hein. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné la mort pour toutes les créatures. Et là, il y en a maintenant qui sont en train de se. J'avais lu ça aussi à un moment donné. Il y en a qui se font congeler après leur mort pour essayer de dire, bon, peut-être un jour on va trouver un remède à la mort. Comme ça, on pourra me réanimer ou me dégeler puis me guérir ou je sais pas quoi. Il y en a d'autres qui pensent peut-être en faisant garder leur cellule ou leur chromosome ou leur code génétique pour dire ben plus tard peut-être qu'on va pouvoir me cloner puis je vais pouvoir revivre ou je sais pas quoi. Toutes sortes d'hypothèses ou de théories que les koufars inventent pour essayer d'imaginer des scénarios, hein, de faire des transplantations de conscience. Ils disent bon peut-être que on pourrait me transposer ma conscience dans un robot. Et comme ça, je pourrais être éternel, je pourrais jamais mourir parce que j'aurais pas un corps organique, j'aurais un corps mécanique, donc je pourrais résister à la mort et ma conscience, elle pourrait être transférée dans ce robot-là ou dans je sais pas quoi. Il y a des idées de la science-fiction, les koufars, ils en ont tellement d'imagination. Tout ça, ils pensent que ça va se produire dans l'avenir. Et ils ont oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, il a son plan pour la création et que tôt ou tard, tout cet univers sera détruit et tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça c'est inévitable et c'est une réalité. Mais yani, ils n'ont pas compris ça parce qu'ils sont des matérialistes, des kuffars matérialistes qui ont renié l'au-delà. Le cheikh il dit ensuite, وقوله أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينغض ما في يمينه هذا تقريب لبيان سعة الرزق وكثرته يعني من الله عز وجل وغناه وأنه مع كثرة إنفاقه فإنه لا ينقص ما في يمينه ولا مما في خزائنه بخلاف المخلوقين فإنهم إذا أنفقوا فإنه ينقص مما عندهم فينفد. فإذا تأملت هذه المخلوقات في البر والبحر وجدت أنها كلها يعني تعيش من رزق الله. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو سبحانه ينفق على هذه المخلوقات منذ خلق السماوات والأرض، فلم ينقص ذلك مما عنده شيئا، ولم ينقطع رزقه سبحانه وتعالى عن مخلوقاته، فهذا دليل على كمال غناه، وأن هذا الإنفاق وهذا الزمان الطويل لم ينقص ما في يمينه جل وعلا. Donc il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: avez-vous vu ce que Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Eh bien, cela n'a rien fait diminuer de ce qu'il y a dans sa main droite. Et il dit ça, c'est pour faire un rapprochement, pour clarifier la grandeur de la subsistance et la largesse des subsistances que Allah a donné, et la grande quantité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, et ainsi que sa richesse. Il dit parce que malgré la grande quantité de ce qu'il a dépensé, eh bien cela n'a rien fait diminuer de ce qu'il a dans sa main droite, et ni de ce qu'il y a dans son trésor. Contrairement aux créatures, parce que les créatures, lorsqu'elles dépensent, eh bien, tôt ou tard, ça diminue. Ça diminue, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Et aussi, par exemple, dans d'autres contextes, lorsque quelqu'un, par exemple, il va partir en voyage ou en expédition, surtout avant, parce que même aujourd'hui, ça peut être le cas quand même, si quelqu'un part dans des expéditions dans la forêt, ou bien qu'il part dans des expéditions dans le désert, ou dans des endroits où, justement, il n'y a pas vraiment de la civilisation, soi-disant. Il faut toujours amener des provisions. Il faut toujours amener des provisions. Et si jamais quelqu'un il est pris dans un endroit comme ça et qu'il perd ses provisions, ou bien s'il part en bateau, par exemple, dans la mer et qu'il perd ses provisions, c'est certain qu'il commence à réaliser à quel point il est dépendant de cette subsistance-là. Et qu'à ce moment-là, il réalise sa faiblesse et son besoin. Et subhanallah, je lisais des récits, par exemple, à l'époque, par exemple, des siècles passés, et lorsque les gens, par exemple, vivaient dans des forteresses. Et comme par exemple, je lisais au sujet des croisades, et les forteresses, souvent, elles se faisaient assiéger. Et vous savez que les forteresses, elles sont des villes, des villes fortifiées, d'une certaine façon, mais qu'elles ne sont pas, en général, suffisantes à elles-mêmes. C'est-à-dire que ces villes fortifiées-là, en général, leur nourriture ne leur vient pas de l'intérieur, mais elle leur vient de l'extérieur. Parce que les paysans, les fermiers, les cultivateurs, et de même qu'il y en a beaucoup d'autres denrées et des besoins que les gens de ces cités-là avaient besoin, eh bien, elles venaient d'ailleurs. Il fallait les faire venir. Et lorsque une armée assiégeait ces villes-là, eh bien, c'est sûr que si le siège durait trop longtemps, à la longue, ça, c'était justement une des stratégies. C'était de faire en sorte qu'on les assiège assez longtemps et qu'on empêche justement toute subsistance de rentrer à l'intérieur de cette forteresse, pour justement faire en sorte que les gens qui sont à l'intérieur se rendent. Et pour qu'il capitule. Donc tout ça, c'est un exemple qui montre que les êtres humains, ils ont besoin de subsistance, ils ont besoin de nourriture. Et que s'ils n'en ont plus, ils risquent de mourir. Dans certains cas, il mentionne que dans des sièges comme ça qu'il y avait eu, les gens à l'intérieur des villes avaient tellement faim qu'ils commençaient parfois même à manger le cuir de leurs chaussures. Et même parfois, ils commençaient à manger des rats. Et même parfois, à l'extrême, ils commençaient même à manger des êtres humains qui étaient morts. Donc, c'est pour dire que l'être humain, il a toujours ce besoin-là, mais quand il est dans une ville ou dans un lieu où il a tout ce qu'il lui faut, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie à quel point Allah lui donne. Hein? Et c'est juste quand il est dans des situations extrêmes comme celle-là où il réalise hein, que sans cela, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Hein? Allah al-Musta'an, les gens, à force de ne pas avoir assez de nourriture, pas avoir assez d'eau, après les maladies qui viennent, et après même les gens, comme tellement ils avaient faim et ils avaient soif, ils n'avaient pas assez de nourriture, et puis leurs dents commençaient à tomber, leurs cheveux commençaient à tomber. C'est des situations terribles, mais c'est juste pour nous dire, Yanni, à quel point on a besoin de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer à vivre. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit, donc si on réfléchit yani, aux créatures, il dit, qu'elles soient sur terre ou dans la mer, eh bien, on voit qu'elles vivent toutes sur la subsistance que Allah leur donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 6, dans Sourate Hud, il n'y a pas une bête qui est sur terre, hein, un être, un animal ou un insecte, ou peu importe, un être humain ou quoi que ce soit de ce qui rampe ou de ce qui marche sur terre. Il n'y en a pas une, excepté que sa subsistance incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est responsable pour ces créatures-là et de leur donner leur subsistance, et c'est lui, Subhana, qui donne à chacune de ces créatures qui est dans les cieux, ou qui est sur la terre, ou qui est dans la mer, sa subsistance. Et il dit, peu importe qu'est-ce qu'il leur donne et la quantité qu'il leur donne, ça ne diminue rien de ce qu'il possède, et sa subsistance ne cesse jamais. C'est comme on dit par exemple, l'approvisionnement de ces subsistances-là, elle ne cesse jamais, elle ne coupe jamais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la preuve de sa grande richesse. Hein? Et c'est la preuve de sa grande richesse et comment il dépense. Hein? Il dépense depuis une longue période de temps hein, pour nous, les créatures, parce que pour nous, c'est très long cette période depuis la création des cieux et de la terre, et ça n'a rien fait diminuer de ce qu'il a dans sa main droite. Il dit wa qawluhu wal qistu bi yaminihi bi yadihi al ukhra yarfa'u wa yakhfid. Yani fa hadha fihi bayan anna Allah subhanahu wa ta'ala anna lillahi subhanahu wa ta'ala yadayn. Al yad al yumna فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على عباده والثانية فيها القسط والعدل ويخفض أي يرفع ويخفض المقادير ينزلها على عباده ويرفع أعمالهم ويحصيها. Donc ici le cheikh explique que par rapport à ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il a donc une main droite. Et dans la main droite, il y a sa générosité et tout ce qu'il donne et la subsistance. Hein? Et dans la main gauche, il y a la justice. Hein? La justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève et il rabaisse. Comme on l'avait mentionné dans les hadiths précédents au dernier cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les œuvres de ses serviteurs et il les calcule et il les enregistre et il fait descendre hein, la subsistance et les choses qu'il a prédestinées sur ses serviteurs. Donc ça c'est ce qui est expliqué aujourd'hui par rapport à ce hadith-là. On va s'arrêter ici parce que, étant donné que j'ai commencé un peu tard aujourd'hui, je dois faire le cours un peu moins long que d'habitude. Inch'Allah, on va s'arrêter là maintenant, puis on va continuer tout de suite après avec l'aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, je vais prendre une petite pause de 5 minutes et je reviens, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك